lève à 6, j'allume le joint de la veille, puis je noircis la feuille. Dans mes écrits, y'a la cité, la police, la galère, y'a le shit, la taille, c'est le shit, la paix. S'il y a pas ça que nous reste-t-il? J'mets un tiers à gauche, un tiers que j'dépense, et un tiers que j'réinvestis. Tu veux comparer, t'es sûr de toi? Mais ma fille est plus riche que toi. Quand on a rien fait, on discute pas. Juste autour de la table et il reste qu'une part. On fait comment les gars? Les salopes sont relégables. Bloqués dans la cave, sans même la plaie ni le câble. Y'a de quoi péter un câble, y'a de quoi péter un câble. Sa mère, tout l'été au quartier, j'vais pas à la playa, non. J'm'en fume dans le cabanon. J'ai rêvé de la Gallardo, des trous dans les Cayano. Tout l'été au quartier, j'vais pas à la playa, non. J'm'en fume dans le cabanon. J'ai rêvé de la Gallardo, des trous dans les Cayano. Je me sens pas, je vais pas là-bas. Je préfère rester à l'appart. Leur soirée, non, c'est pas mon deuil. Dehors où la zone ça rabat. Je danse, mais je suis même pas rabat. Je pense que je vais les remettre à long terme. C'est trop cramé dans le secteur. Y'a tout le temps la bague. Pour m'en sortir, je coupe une plaquette. Hey, yeah. Je me sens mal sous les projecteurs. Je suis mieux dans mon bat. Ouais, ouais, je suis mieux dans mes baskets. Hey, yeah. J'ai quitté la peine, on vidé ma peine. Vendu la maison, rue de la haine. Sur tous les réseaux, j'suis sur la scène. J'en perds la raison, tu sais bien. Faut garder le mental. Les étoiles parlent entre elles. Mais moi j'ai pas le time. Pour l'instant j'suis dans le game. Une sacoche, un terrain, un Kawasaki. Parano, j'dois faire confiance à qui? J'me repose jamais sur mes acquis. Pas la carrière à kill, ni à Harry Kane. J'ai le barrier vide, j'ai la cabesse pleine. Un flotter les states, on veut ta j'ai tourné la machine, bien carré, j'fais de l'argent. J'épuise plus ma salive, parce qu'avec eux, j'perds mon temps. Pas trouvé la solution, concentré sur ma mission. J'fais plus trop d'apparitions, ouais. Pas trouvé la solution, concentré sur ma mission. J'fais plus trop d'apparitions, ouais. C'est trop cramé dans le secteur. Y'a tout le temps la bague, pour m'en sortir, j'coupe une plaquette. Hey, yeah. J'me sens mal sous les projecteurs. J'suis mieux dans mon bat, ouais, ouais, j'suis mieux dans mes baskets. Hey, yeah. J'ai quitté la peine, on vidé ma peine. Vendu la maison, rue de la haine. Sur tous les réseaux, j'suis sur la scène. J'en perds la raison, tu sais bien. Faut garder le mental, les étoiles parlent entre elles. Mais moi j'ai pas le time. Le secteur où je traîne, celui qui me forge et qui m'entraîne. Oui, c'est dans les veines, mais pour eux j'suis qu'une mauvaise graine. Le secteur où je traîne, celui qui me forge et qui m'entraîne. Oui, c'est dans les veines, mais pour eux j'suis qu'une mauvaise graine. Thank you.